Tu vas bien, mon petit ami? C'est un bordel sur le... Il y a Philou qui va venir, je pense.